Page 69. Exercice 3. 1. Franchement, ce n'est pas le moment de me demander de faire des photocopies. J'ai des choses plus importantes à finir. 2. Je ne peux pas à la fois m'occuper de ma mère et aller chercher les enfants à l'école. 3. C'est comme d'habitude. Le directeur avait promis d'intervenir et finalement, il a changé d'avis et n'a rien fait. 4. Tu connais Géraldine. Elle promet toujours de venir, puis à la dernière minute, elle ne vient jamais. 5. Frédéric est complètement découragé. Il a renoncé à se battre pour ce projet. 6. Pendant ma réunion avec mon chef, je n'ai pas voulu parler de mes problèmes avec Jérôme. Ce n'était vraiment pas le moment.